Imaginez que vous êtes en train de naviguer sur Internet et soudain, vous vous retrouvez à acheter quelque chose que vous n'aviez pas l'intention d'acheter ou à partager des informations personnelles que vous n'aviez pas envie de partager. C'est ce que l'on appelle les dark patterns, des éléments de conception qui visent à manipuler les utilisateurs pour les inciter à faire des choses qu'ils n'auraient pas faites initialement. Les dark patterns sont de plus en plus courants sur Internet et ils peuvent avoir des conséquences importantes sur notre vie quotidienne. Par exemple, une étude de la Commission européenne a montré que 148 des 399 sites audités comprenaient des techniques de manipulation. C'est pourquoi il est essentiel de prendre en compte les enjeux liés aux dark patterns et de concevoir des services numériques qui répondent aux besoins des utilisateurs de manière éthique. Les designers ont un rôle important à jouer dans la conception de services numériques respectueux de l'attention des utilisateurs. Ils doivent définir clairement les besoins des utilisateurs et concevoir des services qui répondent à ces besoins de manière éthique. Les entreprises doivent également être transparentes sur leur modèle économique et leurs pratiques de collecte de données. Il est intéressant de noter que les modèles économiques basés sur la publicité ou la vente de données peuvent inciter les entreprises à utiliser des dark patterns. C'est pourquoi il est essentiel de choisir des modèles économiques qui favorisent leur style, la transparence et l'éthique. Les designers doivent être conscients des enjeux liés aux dark patterns et prendre des décisions éthiques dans leur conception. En conclusion, les dark patterns sont un problème important sur Internet et il est essentiel de prendre en compte les enjeux liés à leur utilisation. Les designers ont un rôle important à jouer dans la conception de services numériques respectueux de l'attention des utilisateurs et les entreprises doivent être transparentes sur leur modèle économique et leurs pratiques de collecte de données. En suivant ces recommandations, nous pouvons contribuer à créer des services numériques plus respectueux de l'attention des utilisateurs et plus éthiques. Alors, la prochaine fois que vous naviguerez sur Internet, rappelez-vous que vous avez le droit de contrôler vos données et vos choix en ligne.